En mai, Arte fait son festival de Cannes. Le cinéma s'invite chez vous avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous ce soir à 20h55 sur Arte avec The Immigrant de James Gray, avec Marion Cotillard et Joaquin Phoenix. Suivi de Do the Right Thing de Spike Lee. Et savourez encore plus de cinéma sur arte.tv. Arte, vous aimez déjà. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Les philosophes emprisonnés », une série d'Élise Gruau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a ce confinement inédit et cette idée qui a pu nous servir. Comment la pensée négocie avec la captivité et le totalitarisme qui a besoin de mettre les idées à l'arrêt. Et puis il y a Gramsci et Chalamov enfermés et qui, pour se venger, ont pensé l'enfermement. Alors pour commencer, les personnages. Un historien, un neurologue, une professeure de littérature, une philosophe, un penseur de la liberté, un lecteur avide, une philosophe socialiste et un homme quasi mort. Ensuite, le décor. Une cellule, un drapeau décoloré, des cahiers, un procès, le spartakisme, un meurtre, des virilités blessées, la Sibérie, 60 degrés en dessous de zéro et la peau qui part en lambeaux. Aujourd'hui, 4e épisode, on cherche une tombe. Avant de la penser, c'était d'abord les conditions matérielles, en fait, qui, je pense, constituent l'épreuve de l'enfermement. On a du mal à imaginer que cette œuvre aussi riche était produite dans des conditions aussi précaires, avec aussi peu de livres à sa disposition, des livres que la prison lui concédait livre par livre, revue par revue, qu'il était au cours de cette prison dans une lente agonie, en fait, avec une succession de maladies, tuberculose, arthrose, puis finalement qui aboutit à l'incapacité dans les deux dernières années à écrire. Pensez à l'épreuve de la violence. Andiamo da Gramsci. Élise Gruau, Angélique Thibault. Il a pu imaginer dans cette prison qu'il a dû subir, la penser comme une épreuve de libération. Au XXe siècle, la police de la pensée s'abat massivement sur les philosophes, penseurs et opposants de tous bords. Rosa Luxembourg, Antonio Gramsci, Varlam Chalamov, trois noms passés à la postérité pour leurs œuvres. Des œuvres bâties à partir des conditions très particulières de l'enfermement, auxquelles ils ont opposé jusqu'au bout la résistance de la pensée. L'épreuve de la violence devient le miroir de l'état des sociétés et révèle la condition de l'humain poussée dans ses limites extrêmes. Qui dal 37, c'est Antonio Gramsci. Ici, c'est le cimetière non catholique de Rome. Nous sommes à Testaccio, près de la pyramide. Antonio Gramsci est là depuis 1937. L'ai fatto perché non lo so. Andrea Semerano. Tanto forse sicuramente perché essendo un cimitero cattolico. Comme c'est un cimetière non catholique. Parla intellettuali, poeti. Ce sont des intellectuels, alla fine è risultato des poètes, luogo più qui sont enterrés ici. Degno per Gramsci. Ça semblait le lieu le plus digne pour Gramsci. Anche perché poi è una tomba semplice. C'est une tombe c'est toute un'urna, simple. C'è un'urna, c'è une stèle. Con su scritto Gramsci e basta. Où est écrit Gramsci, et c'est tout. Parlare di Gramsci è difficile. Qu'est-ce qui représente Gramsci? La libertà, la responsabilità. La liberté, la responsabilité et la lutte. E la lotta. La lotta per resistere contro. Le combat pour résister contre les injustices et la répression. Ça, c'est l'éternelle bêtise des régimes autoritaires, hein, qui pensent pouvoir assujettir la pensée ou la freiner, la réfréner, l'enfermer, alors qu'au contraire, ils la libèrent. L'exemple paradigmatique, c'est évidemment l'exemple de Gramsci, hein, qui a été enfermé par le régime fasciste pour qu'il se taise. Alors de fait, ça a réussi hein, sur le moment, Johann même si Chapoutot. Filtré à l'extérieur de ses idées et de ses écrits. Mais Gramsci n'a pas pu être l'homme politique, organisateur qu'il voulait être. Mais il a produit en prison une œuvre théorique qui marque des décennies après encore le paysage politique, évidemment à gauche, mais aussi à droite ou à l'extrême droite, où on s'inspire de Gramsci pour le détourner de son cours naturel et l'amener vers d'autres fins. Dicevo, quindi chi è Gramsci? Riassumendo, si può dire che è uno studioso di linguistica, di glottologia, che a un certo punto diventa pour résumer, giornalista, Gramsci était un étudiant en linguistique. A un certo punto diventa politico, dirigente dell'Internazionale. Fabio Frosini, qui est devenu ensuite segretario del Partito Comunista d'Italia, che a un certo puis punto politique, diventa un carcerato, dirigeant de l'Internazionale, molto particolare, perché contemporaneamente segretario del Partito Comunista italien, principale dirigente del partito, avant de devenir un prisonnier d'un genre très particulier. Et allo stesso parce que tempo, è tout en restant le principal dirigeant du Parti communiste, e quindi si dedica a tutta una serie di attività in carcere, il est contraint de se séparer de l'activité politique compagni, et il se consacre en prison à la formation de ses co-détenus, tramite à une correspondance, et surtout dal febbraio, de février 1929 à juin 1935, 1935 la scrittura di à la rédaction de ce qu'on a appelé ensuite les cahiers de prison. Del carcere. Dans quel contexte Antonio Gramsci est-il arrêté? Fu arrestato in quanto oppositore politico. En 1926, tous les opposants politiques ont été arrêtés suite à un attentat contre Mussolini, qui alors fait voter les lois d'exception. Contro Mussolini furono emanate delle leggi eccezionali e quindi nonostante Gramsci, qui était député et en dépit de l'inviolabilité que lui conférait cette charge, a été arrêté. E ci furono effettivamente molte condanne. Fu istituito un ente molto particolare che si chiamava Tribunale Speciale per la Mussolini a creato un'istituzione très particulière, eseguire un tribunale speciale per la sûreté de l'État per juger tous les opposants arrêtés. I reati di cui fu accusato furono quelli appunto di mettere in discussione la stabilità dello Stato. E Gramsci fut accusé de menacer la stabilité de l'État. Alla storica marcia che apriva all'Italia il suo avvenire imperiale. Generale segreta per la notte del 27 ottobre, in risposta alla volontà dell'imponente massa di 50.000 camicie nere che in piazza del plebiscito ha grido solo a Roma. Mussolini e Gramsci si conoscevano molto bene perché Mussolini era stato nei primi anni del secolo e in particolare negli anni che vanno dal 1908-10 fino al 1913-14. Mussolini e Gramsci si conoscevano très bien parce qu'avant 1914 Mussolini avait été le leader reconnu de la gauche socialiste. Ma già nel 14 Gramsci prende le distanze. Mais déjà en 1914 da Mussolini e questa Gramsci prend ses distances vis-à-vis de Mussolini. Nel momento in cui Mussolini terrà il suo primo discorso parlamentare quando verrà per la prima volta. E la rupture sarà consommée de manière évidente lorsque Mussolini fera son premier discours au Parlement en 1921. Di questo articolo che segna e di questo discorso, scusa, che segna proprio una e che Gramsci reagirà par un article très virulent. La politica tra virgolette rivoluzionaria di Mussolini viene dans lequel la politique rivoluzionaria entre guillemets, de Mussolini est analysée comme une politique qui n'a en elle que la violence, la force, mais n'a pas de contenu social, pas de contenu d'émancipation sociale. Combattenti di terra, mare dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia. Gramsci nel 22 abbandona l'Italia prima della marcia su Roma. En 1922, Gramsci quitte l'Italie pour Moscou. E sono però gli anni in cui avant la marche sur Rome, cioè a consolidare il proprio potere, a diciamo a crescere molto nelle elezioni, a far entrare il suo partito come partito. Il ne revient qu'en 1924, mais ce sont les années de la conquête du pouvoir par Mussolini. Fondation Gramsci. À l'entrée de la Fondation Gramsci, un grand drapeau rouge portant le marteau et la faucille, un grand drapeau usé, on voit le tissu qui est décoloré, délavé, taché. On sent un drapeau qui a dû vivre avec les événements qui ont accompagné le siècle. Salve, Paola Rodino, piacere. Piacere. Allora, vi faccio parlare con le artiste, perché so che vi devono mostrare dei... Nella biblioteca della Fondazione, sulla storia del Partito Comunista, la storia della sinistra europea e soprattutto la storia del movimento operaio. En fait, Gramsci écrit ses cahiers de prison. C'est la plus grande crise que le capitalisme ait connue en 1929. C'est en 1929 qu'il commence à écrire ses cahiers de prison. Donc il est en train d'étudier... Anthony Crézégu. En la vivant, mais en la vivant en étant étranger à cette réalité, il ne la vit pas. C'est ça qui est un peu la contradiction de ses cahiers. Il essaie de penser la plus grande crise économique, politique, de civilisation que l'Occident ait connue depuis un siècle ou deux siècles. Donc c'est ça qu'il essaie en fait de penser. Comment se fait-il que Mussolini ait accordé à un de ses opposants intellectuels l'autorisation d'écrire ? In sostanza si potrebbe riassumere in questo modo. Mussolini sa bene che Gramsci è il principale detenuto di opposizione che ha nelle sue mani. Quindi lo considera estremamente importante, sia per quello che Gramsci era stato, cioè nel senso proprio di... Appunto, Mussolini sa très bien che Gramsci è il principal detenu d'opposizione che ha entre le mani. Evidentemente la stima che ha per lui, cioè la stima per la sua intelligenza. E quindi lo tratta da subito come il lo considera come très important. Cioè Gramsci Mussolini ha nei confronti di Gramsci questo autant pour son rôle de dirigeant du Parti communiste e dell'Internazionale che per l'estime qu'il a de son intelligence. Alla legge, alle condanne, eccetera, ma allo stesso tempo Mussolini intende istituire con Gramsci proprio un rapporto immediatamente d'emblée Mussolini veut instaurer un rapport personnel avec ce prisonnier particulier. Di questo particolare detenuto, trattandolo come un ostaggio da offrire eventualmente all'Unione Sovietica in cambio però di qualcosa di sostanzioso. E il va dunque lo traiter come un otage a offrire eventualmente all'Unione Sovietica. Nel periodo della carcerazione di Gramsci. In ogni modo, quindi la concessione che Mussolini accorda a Gramsci rientra credo in questo quadro, no? Cioè di concedere l'autorisation d'écrire, d'avoir une cellule individuelle, des revues et des livres doit se comprendre dans ce cadre comme le signe de ce traitement particulier. Come segno di un trattamento diverso da quello che era riservato a tutti gli altri. Avant la mort physique, il y a l'isolement. Et l'isolement en prison, c'est pas simplement l'isolement physique, mais c'est aussi la sensation progressive entre 26, 27 et 37 que petit à petit, il sort de la communauté des vivants. Il sort y compris de ceux à qui il correspond, de sa femme, de ses enfants qu'il voit grandir à distance, qu'il n'a pas ou peu connu. Il devient étranger à sa communauté de substitution qui était le Parti communiste, dont il commence à comprendre que certains peut-être ne jouent pas dans le même camp que lui, que certains peut-être ont facilité son arrestation ou en tout cas sa condamnation lourde. Et donc en fait il est tout seul. Tout seul face à une communauté non plus des vivants mais des morts qui est ces grands penseurs avec qui il se connecte, ces grands humanistes, ces grands écrivains avec qui il se connecte dans son œuvre. Il est plus dans ce sens contemporain avec Dante, Machiavel, Rousseau, qu'avec ses contemporains. Noi possiamo andare nel suo ufficio andiamo, certo. Per vedere la biblioteca. La biblioteca di Gramsci. Ma Antonio Gramsci leggeva sicuramente moltissime. Gramsci lisait énormément en prison. Molte delle riviste che gli venivano concesse in lettura erano le riviste. Ici sont conservés les livres qu'il avait. Della stampa estera. On peut voir des revues. Questi qua che vediamo, quindi alcuni titoli li leggeva Croce. Les œuvres de Benedetto Croce. Che è presente nella biblioteca. C'était un lecteur avide qui avait des intérêts très variés. Littérature, philosophie, histoire. Gramsci morì. Nel 37 per una serie di ragioni. Una di queste ragioni. Je dois ajouter une chose. Gramsci meurt en 1937 pour différentes raisons. Mais entre autres à cause des conditions de détention qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles des autres. Mais bien pire par certains aspects. Par exemple, ce qui détruisit son équilibre psychologique et physique fut l'impossibilité de dormir parce que sa cellule était fouillée. Et donc Gramsci réveillé plusieurs fois par nuit. Il va avoir dans le fascisme une façon, non pas d'élever l'ensemble de la population vers une nouvelle conception de l'existence, une culture plus élevée, mais de maintenir l'ensemble des simples dans leur ignorance, dans un rapport de survie, en fait, par rapport aux nécessités, pour éviter d'être des acteurs politiques. C'est la catégorie que Gramsci emploie le plus au cours de ses écrits de prison, c'est la catégorie de révolution passive. C'est-à-dire, pour lui, ce qu'il voit venir à travers à la fois le fascisme et l'américanisme, c'est une tentative de révolution des techniques de production, de révolution, y compris des institutions étatiques, du rôle de l'État dans l'économie, mais qui, pour lui, est une révolution passive, parce qu'elle ne vise pas à faire entrer dans l'histoire un ensemble des catégories populaires, d'une masse de millions de personnes. Elle ne leur permet pas d'agir dans l'histoire, d'être les acteurs de leur propre vie. Et donc, en ce sens, ce que Gramsci essaie de penser, c'est une révolution ou une réforme profonde, mais démocratique. Et pour lui, cette démocratie ne la retrouve finalement ni dans le stalinisme, ni dans le fascisme, et ni dans l'américanisme. Parce que c'est trois tentatives, qu'il ne met pas sur le même plan, bien sûr, d'empêcher les catégories populaires, ce qu'il appelle les subalternes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en capacité de diriger le mouvement, qui sont subordonnés aux classes dirigeantes, mais qui veulent devenir, ou qui pourraient devenir hégémoniques, et diriger ce mouvement. Ces trois formes d'État, ou ces trois modèles politiques, visent au contraire à dépolitiser, en fait, l'ensemble de la population, et de gérer ces sociétés par la dépolitisation, ce qui constitue un pas en arrière, selon Gramsci. Quel est le parcours des cahiers de prison une fois qu'ils sont sortis et jusqu'à ce qu'on en prenne connaissance? Allora, nel momento che Gramsci muore, i quaderni sono sicuramente presso di lui e verso la clinica Cusisana, vengono presi da Tania e che li nasconde e li sottrae alla polizia. Questo è la Gramsci meurt, les cahiers sont avec lui et ce qu'on raconte traditionnellement c'est que Tania Schucht les prend all'ambasciata sovietica e poi les sostrae alla polizia e les envoie en Union soviétique. Et à Mosca, vengono, diciamo, diventano où la question de leur conservation et de leur utilisation devient un objet de litige entre sa famille qui vit à Moscou et le parti. Le Comintern tranche et décide que les cahiers sont sa propriété et ils ne reviennent en Italie qu'en mars 1945. Ensuite, c'est l'histoire de la publication qui est tout aussi complexe. Si può dire che malgrado tutto ciò Gramsci ha scritto un testo, non si può definire un'opera, in realtà sono appunto 33 quaderni che resiste al tempo. Malgré tout cela, Gramsci a écrit un texte, une œuvre. Con grande fatica. Ce sont 33 cahiers qui résistent au temps, au prix d'immenses efforts. Ces cahiers, qui à une première lecture se distinguent par leur caractère fragmentaire, forment en réalité un texte politique. Si Gramsci dit « tout homme est philosophe », c'est pour proposer également une nouvelle conception de l'intellectuel, qui n'est pas l'intellectuel traditionnel, savant, érudit, mais qui est coupé finalement de la réalité de l'immense majorité de la population. Mais une nouvelle conception de l'intellectuel organique, du philosophe démocratique, qui essaie de penser ce que la majorité des gens ressentent. Et parfois ressentent avec plus d'acuité que le philosophe perdu dans son monde des concepts et son monde des idées. Et donc il s'agit aussi de valoriser dans la pratique des gens simples aussi ce qu'il peut y avoir potentiellement, pas forcément réalisé, mais potentiellement de penser. Et donc de dire que tout le monde est philosophe et tout le monde peut devenir philosophe, tout le monde peut devenir intellectuel au même niveau que... Non, pas au même niveau que... C'est pas une question d'être au même niveau que le plus grand philosophe, c'est... Disons qu'il y a une conception démocratique du savoir qui fait que, par une conception pédagogique de l'hégémonie pour Gramsci, il est possible d'arriver à une élévation générale du niveau culturel et d'élever les simples aux plus hautes sphères de la culture. C'est ce que fait Gramsci dans son journal L'Ordine Nuovo, qu'il publie à Turin en 1919-1920. C'est l'idée qu'on peut faire un journal de haut niveau culturel pour les ouvriers de Turin, et que ce journal va se faire. En fait, je pense que L'Ordine Nuovo, c'est l'exemple même de la capacité entre intellectuels, dirigeants politiques d'origine plutôt intellectuelle et ouvriers de fonctionner ensemble et d'apprendre les uns des autres, en fait. C'est ce rapport pédagogique, c'est pas simplement un rapport de professeur à élève, mais c'est aussi l'éduqué qui apprend beaucoup à l'éducateur. Gramsci a énormément appris aux côtés des simples qui étaient aussi, à leur manière, des philosophes. Il veut éviter à tout prix de figer la parole dans un système scolastique où il y a toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Il y a beaucoup plus, c'est ça qui est un peu troublant pour ceux qui l'ont lu au départ, aussi pour les dirigeants du Parti communiste, il y a plus de questions que de réponses. C'est pas un manuel pour apprenti Machiavel, c'est au contraire, c'est le meilleur maître à penser qu'on puisse imaginer, parce que il permet d'envisager de penser sans le maître, même de penser au-delà du maître. Questa invece è una lettera di Tania. Tania è la cognata, ovvero è la moglie della è la sorella della moglie. Tania è la sœur de sa femme. Ed è una lettera di Tania che è sicuramente negli anni del carcere la corrispondente più attiva. Ça c'est une lettre de Tania qui est la correspondante la plus présente pendant toutes les années de prison. Lo mantiene in vita da un punto di vista. C'est celle qui le maintient en vie par l'écriture. Scrive quotidianamente. Sì. Questa è questa è sì, ma pure di invece del carcere. Turi, 6 marzo 1933. Carissima Tania, ho ancora vivo il ricordo, ciò non sempre mi capita più in questi ultimi tempi. Lettre d'Antonio Gramsci, di un paragone du 6 mars 1933. Che ho fatto nel colloquio di domenica. Très chère Tania, imagine un naufrage et qu'un certain nombre de personnes se réfugient dans une chaloupe pour y échapper. Avant le naufrage, naturellement, aucun des futurs naufragés ne pensait qu'il deviendrait un naufragé. Et encore moins, par conséquent, qu'ils seraient amenés à commettre des actes que des naufragés, dans certains cas, peuvent commettre, comme par exemple devenir anthropophage. Chacun d'eux, si on lui avait demandé à froid ce qu'il choisirait entre mourir de faim et devenir cannibale, aurait répondu en toute bonne foi que, étant donné l'alternative, il choisirait certainement de mourir. Puis c'est le naufrage. Les passagers se réfugient dans la chaloupe, etc., etc. Quelques jours plus tard, les vivres étant venus à manquer, l'idée du cannibalisme se présente sous un jour différent. Si bien que, à un certain moment, parmi les personnes en question, un certain nombre d'entre elles deviennent effectivement cannibales. Mais en réalité, s'agit-il des mêmes personnes ? Il y a un côté très stoïcien chez Gramsci, c'est cette tentative aussi son effondrement, son naufrage qu'il raconte à ses proches, notamment à sa femme en prison, le naufrage qu'il est en train de pressentir et que certains de ses compagnons de prison ont déjà subi, que face à ce naufrage, il est nécessaire, le temps est compté, et qu'il est nécessaire de produire, comme il le dit, une œuvre für ewig, pour l'éternité. Il ne s'agit pas de penser selon les contraintes justement du présent. La prison devient presque, ça peut paraître provocant de le dire, une chance, parce qu'il acquiert finalement une liberté en prison qu'il n'aurait peut-être pas eu dans les conditions pratiques de l'international communiste de la fin des années 20, début des années 30, qu'il n'aurait pas eu évidemment s'il avait été en Italie fasciste. Eh bien, comme je te l'ai dit, un tel changement est en train de se produire en moi, cannibalisme mis à part. Le plus grave est que dans ces cas-là, la personnalité se dédouble. Une partie observe le processus, l'autre partie le subit. Mais celle qui observe, tant que cette partie existe, cela signifie qu'il existe un contrôle de soi et la possibilité de se reprendre, sans la précarité de sa position. Autrement dit, prévoit qu'il arrivera un moment où sa fonction disparaîtra, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contrôle de soi, et que la personnalité tout entière sera absorbée dans un individu nouveau, avec des impulsions, des initiatives, des façons de penser différentes des précédentes. Eh bien, je me trouve dans cette situation. Je ne sais pas ce qui restera de moi au terme du processus de transformation que je sens se développer. La conclusion pratique est la suivante. Il faut que pendant un certain temps, je n'écrive plus rien à personne, y compris à toi, si ce n'est des nouvelles à l'état brut concernant les simples faits de mon existence. Très chère Tania, je t'embrasse tendrement. Antonio. Sonyucha, ma longue détention vous irrite et vous vous demandez comment il est possible que des hommes puissent décider du destin d'autres hommes. Pourquoi tout cela ? Rosa Luxembourg, comme Gramsci, oppose la pensée à l'enfermement. De sa prison de Vronque, elle écrit le 17 mai 1917 « Mon petit oiseau ». Sonyucha. Toute la civilisation humaine, dont l'histoire s'étend, selon des estimations modestes, sur plus de 20 000 ans, est la conséquence du fait que des hommes décident du destin d'autres hommes. C'est profondément ancré dans les conditions matérielles de vie. Seule une évolution, qui n'ira pas sans douleur, pourra y changer quelque chose. Rosa Luxembourg se heurtait à toutes sortes de répressions de la pensée, parce que c'est une femme, et que dans la société d'Europe de l'Est du dernier 19e siècle, elle n'était pas censée accéder à cette fonction sociale-là, hein, de penseur. C'est une juive étrangère partout, étrangère en Pologne, parce que vis-à-vis de la majorité catholique, les juifs de Pologne ne sont pas bien reçus. Elle vit dans la partie russe de cette Pologne éclatée par les différents partages de la Pologne. Et enfin, c'est quelqu'un qui est polyglotte et qui n'est jamais vraiment chez elle. Et elle vit également dans un système autoritaire. Son premier séjour en prison, je crois que c'est en 1904, à un moment où, lors d'un discours, elle se moque gentiment quand même de l'empereur Guillaume II. Guillaume II qui avait fait, comme d'habitude, un discours très paternaliste sur la situation des ouvriers en Allemagne. Et Rosa Luxembourg avait fait un discours en disant voilà un homme qui connaît tellement bien la situation des ouvriers qu'il peut se permettre de dire que les ouvriers vivent bien dans son royaume. Bon, et pour ça, elle a quand même fait plusieurs mois de prison. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi, qui s'est socialisé intellectuellement, psychologiquement, dans un univers de répression de la pensée, à plusieurs titres. À titre de femme, à titre de juive, à titre d'étrangère partout, et à titre également de social-démocrate, c'est-à-dire de femme très à gauche. Rosa Luxembourg a travaillé à la constitution d'un mouvement politique qui serait, pour le coup, vraiment ouvriériste et internationaliste. C'est donc c'est le mouvement Spartacus, qui ne porte pas ce nom d'abord, c'est le groupe international, hein, ou le groupe de l'international, dit groupe international, qui devient ensuite le mouvement Spartacus, lequel mouvement Spartacus aboutit au 1er janvier 1919 à la création du KPD, hein, du Parti communiste allemand. Bon. Et elle est incarcérée pendant la Première Guerre mondiale pour activité antipatriotique. Et tout simplement parce que bonne logique sociale-démocrate internationaliste refuse absolument la guerre. Elle est anti-militariste, elle est anti-impérialiste, évidemment. Elle est surtout internationaliste. C'est une femme polyglotte, elle parle le russe, elle parle l'allemand, elle lit le français, l'anglais, l'italien, elle a fait du grec, du latin, bref. Puis elle est internationaliste intellectuellement et politiquement, puisqu'elle a embrassé l'idée qu'il y avait une oppression des ouvriers au niveau mondial, singulièrement au niveau européen, par le grand capital, ce qui, dans le contexte de la fin du XIXe siècle, est une évidence absolue, hein, c'est un constat objectif qu'elle fait, qu'elle traduit ensuite en principes politiques, grâce à la lecture de Marx, grâce à la lecture d'Engels, de Plekhanov, etc., de tous les grands théoriciens du mouvement ouvrier et de la lutte pour l'émancipation ouvrière internationale. Et c'est quelqu'un qui estime que les lignes de front ne sont pas des lignes nationales, comme la fin du XIXe siècle vise à le faire accroire, avec la constitution non seulement des nations, mais des nationalismes, un nationalisme bien trempé et agressif. Et la véritable guerre qui partage l'humanité n'est pas la guerre des Français contre les Allemands, des Anglais contre les Allemands, ou des Russes contre je ne sais pas qui. Ça, c'est un attrape-nigo, hein, qui vise à détourner la masse des ouvriers de la véritable guerre, cette véritable guerre qui n'est pas entre nations, qui est transnationale. C'était le message de Marx et d'Engels. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, parce que vous êtes désunis en raison de l'illusion nationale, de l'illusion de l'appartenance à la nation, alors que vous n'avez rien de commun avec le capitaliste de votre pays, mais vous avez tout en commun avec l'ouvrier qui se trouve de l'autre côté de la frontière. La solidarité, elle est classiste. Elle n'est pas nationale. Elle n'en démordra pas. Voilà. Rosa Luxembourg donc est abattue d'une rafale quelque part dans Berlin. Et on charge son corps, que l'on jette ensuite dans le Lambertkanal, hein, qui est un des canaux qui traverse Berlin, pendant la nuit. Voilà. Elle est assassinée. Hein. Elle est assassinée parce qu'elle représente ce que c'est... ces gens-là abominent le plus, hein. C'est une femme, hein. Ce sont des hommes, et plus des hommes à la virilité blessée, parce que la Grande Guerre c'est ça aussi, hein. L'enjeu de la Grande Guerre c'est une virilité qui est pulvérisée par les obus, hein, et qui est putréfiée par les conditions de la vie dans les tranchées, hein. Donc on réaffirme cette virilité-là contre une femme, hein, en la battant d'une rafale, hein. Circonstance particulièrement tragique et sordide de son assassinat. Rosa Luxembourg, qui a porté sur les fonds baptismaux le Parti communiste allemand, qui en est la créatrice avec Liebknecht, qui le paye de sa vie. Donc là, vous avez une espèce de concomitance entre la naissance et la mort, le martyr de la naissance, et pour ce qui est d'une femme, une forme de mort en couche, si vous voulez, hein, qui élève Rosa Luxembourg à une dignité mémorielle, symbolique, majeure. C'est une grande intellectuelle, hein, une très grande intellectuelle, dont les œuvres complètes sont éditées depuis longtemps, et elle est radicale, elle procède par analyse conceptuelle et elle en tire les conclusions qui s'imposent. Et ce qui demeure d'elle dans la culture générale, si vous voulez, ce sont des phrases au couteau, hein, sur la situation de l'ouvrier, sur la nécessité de la grève générale, la nécessité de mettre fin à la guerre. C'est pas quelqu'un qui va vociférer des slogans de manière gratuite, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, beaucoup réfléchi, beaucoup observé, et donc implacable. C'est une Gramsci avant l'heure, si vous voulez. Hein. Bon, évidemment, l'archétype de l'intellectuel productif en prison, c'est Gramsci, hein, qui a écrit toute son œuvre en prison, mais Rosa Luxembourg est à son échelle, puisqu'elle a passé beaucoup moins de temps en prison que Gramsci, c'est une Gramsci avant l'heure. Elle travaille. Rosa Luxembourg et Antonio Gramsci ont produit en prison des œuvres qui encore aujourd'hui permettent de mieux penser l'état des sociétés. Как топчут дорогу по снежной целине. Varlam Shalamov, ayant survécu à la déportation, compose une œuvre dans laquelle l'expérience de la violence extrême élabore une connaissance inédite de l'humain. Que sont les récits de la Colima ? Bien, les récits de la Colima, d'abord, c'est un ensemble de six recueils écrits par Shalamov entre les années 50 et les années 70. Luba Jorgensen. C'est une mosaïque, c'est-à-dire c'est un puzzle que le lecteur doit assembler lui-même puisqu'il se promène entre les différents moments de sa détention au cours des 17 ans de sa détention et que chaque récit documente en fait un moment. Voilà, ce sont des laps de temps, ce sont des flashs comme des fenêtres qui s'ouvriraient sur l'univers de la Colima, l'univers du camp, et chaque fenêtre s'ouvre sur un moment. La Colima est souvent décrite par les témoins comme une immensité qui enferme. Et ça, c'est une spécificité des camps soviétiques. Le froid et les distances enferment de manière bien plus sûre que les barbelés. Il n'y a pas où fuir. Il faut aussi imaginer un paysage avec des monts qui se succèdent, des monts ronds, pierreux, blanc, gris, vert, verdâtre, qui rend tout cet univers complètement uniforme, sans distinction en fait de nuance. Et on ne voit jamais l'horizon. On voit le ciel, mais on ne voit pas l'horizon. Je pense qu'on peut peut-être résumer la Colima avec une petite chanson des détenus. Colima, Colima, une planète enchantée. L'hiver, il dure 12 mois. Le reste du temps, c'est l'été. Voilà, je pense que ça résume bien. Les températures atteignaient à l'époque moins 60. Et c'est seulement lorsque le thermomètre descendait en dessous de 50 que les détenus avaient le droit de ne pas sortir travailler. Solzhenitsyn a appelé cette région le pôle de la férocité. C'était certainement les camps les plus durs. On les fait travailler jusqu'à ce qu'ils aient rempli leur tâche, la nuit s'il le faut, 24 heures de suite, etc. Qui est Varlam Shalamov ? Varlam Shalamov, d'abord, c'est un grand écrivain du XXe siècle qui a été plongé dans des conditions très particulières, celles des camps staliniens. C'est aussi un résistant. Il a été interné pour la première fois pour, à la différence de bien d'autres qui n'avaient rien fait, lui avait participé à la première opposition anti-stalinienne de la fin des années 20. Voilà, donc il est né, il avait 10 ans au moment de la révolution et en fait toute la plus grande partie de sa vie adulte en fait s'est passée dans les camps. Shalamov, quand même, voilà, ce qu'il renvoie, c'est en fait une grande réflexion sur le pouvoir. Hein, sur le pouvoir et sur le pouvoir tel qu'il s'est exercé au XXe siècle à travers les grands systèmes de répression. Donc je crois que Chalamoff, vraiment en ce sens, il fait partie de ce patrimoine que nous a laissé le XXe siècle, qui permet une intellection sur les systèmes répressifs, sur le biopouvoir, sur le biopolitique, sur... Le biopouvoir, biopolitique. Le biopouvoir, en fait, c'est un terme qui vient de Foucault, mais c'est ce qui permet d'exercer le pouvoir à travers les corps. C'est la façon dont le pouvoir agit sur le corps pour soumettre les personnes. Donc le camp est une sorte de grand laboratoire en ce sens du biopouvoir, puisque c'est une action qui s'exerce sur les corps des détenus. Chalamoff, on nous invite à toucher une autre limite de l'humain, qui est celle de l'esclave, justement, amené là par l'État pour mourir. La langue dans laquelle se construit le témoignage est par définition inauthentique, parce que précisément cette perte du symbolique n'est pas, lorsqu'on revient à la vie, revenir à la vie, ça veut dire récupérer le symbolique, ça veut dire se remettre à penser par métaphore et par image. Donc la langue du détenu qui a perdu cette capacité est absolument irrécupérable pour celui qui est revenu. Et puis, s'il se mettait à écrire dans cette langue de la nudité humaine, le lecteur ne le comprendrait pas. Donc, pour communiquer, pour transmettre, en fait, le témoin est obligé de trahir cette vérité de la langue. Et il cherche à trouver justement un lieu pour retrouver autant que possible cette authenticité. Donc tous les récits de la Colima partent en fait de ce paradoxe. Et ce qu'il dit précisément, c'est que pendant toutes les années de la Colima, il dit « à aucun moment je ne me suis attardé sur une pensée. À aucun moment je n'ai eu littéralement une pensée durable. Je me suis installé dans une pensée, c'était « penser causait une douleur physique ». Pas une fois je n'ai admiré un paysage. » Quelle langue parle le détenu ? Très vite, la langue s'appauvrit. La façon de parler des intellectuels agace aussi bien les autorités que leurs propres camarades. Et donc, très vite, l'intellectuel s'habitue à s'exprimer avec très peu de vocables. Enfin, il dit « mon langage se réduisait à une vingtaine de vocables ». Bon, il exagère certainement un peu, mais disons que c'est une langue qui, d'une certaine façon, est totale. C'est-à-dire, elle peut tout dire du camp sur le moment. Je crois que ce qui caractérise cette langue, c'est le manque du manque. En ce sens que le langage élaboré, le langage qui comprend le symbolique, c'est un langage dans lequel nous pouvons dire « les mots me manquent » pour dire quelque chose. Or là, rien ne manque pour dire ce qu'est le camp. En quelque sorte, les mots sont aussi les choses, parce que la soupe est froide, c'est aussi une question de vie ou de mort. C'est autour de cette expérience de la limite, et plutôt même du dépassement de la limite, que sont construits les récits. On pourrait dessiner l'architecture des récits à partir de cette expérience d'absence à soi-même, qui est le résultat de la malnutrition et de l'épuisement. Tout disparaît. Donc l'homme se retrouve nu. Et c'est cette nudité de l'humain, et il se trouve que... l'homme nu n'est plus véritablement humain. C'est-à-dire que l'humain dépouillé de sa culture n'est plus tout à fait humain. L'humain n'est pas naturel. C'est ça qui est expérimenté. Les récits de la Colima sont traversés par des images de l'amputation, de la perte d'un organe, et notamment le récit Le Gant, qui ouvre le dernier recueil, donne une image, il me semble, pour comprendre ce qu'est le document pour Chalamoff. Alors le gant, c'est en fait la peau de la main chez les malades de la pélagre, maladie du camp, enfin une sorte d'avitaminose, s'en va comme un gant, se détache de la main, donc la peau comme un gant se détache de la main. Et évidemment, la main, c'est aussi l'organe de l'écriture. Et c'est, dit Chalamoff dans ce récit, c'est ce gant-là qui aurait dû écrire cette histoire. Mais ce gant-là ne peut pas écrire cette histoire, donc c'est la main reconstituée qui l'écrit. Là, on tient vraiment l'image de ce que c'est que la reconstitution de l'expérience. En même temps, il y a quelque chose de perdu. Toute l'entreprise de destruction de la pensée divergente et du locuteur qui porte cette pensée-là vise à ravaler ce locuteur à son statut de zéro, à sa nullité, à sa vacuité, à son inexistence. Quelqu'un qui rend très bien compte de ça, c'est Arthur Koestler dans Le Zéro et l'Infini. La formule, alors c'est pas le titre original, mais la formule de Zéro et l'Infini est très très bien trouvée, dans la mesure où du côté stalinien comme du côté nazi, il y a une certitude absolue de posséder la vérité et de travailler pour le bonheur de la masse, l'infini de la masse. Et face à ça, l'individu est un zéro. Voilà. Alors le zéro, c'est puissant quand c'est derrière un 1. Quand il y a beaucoup de zéros derrière un 1, ça donne une vraie masse. Mais le zéro en tant que tel est nul, par définition. Et tout est fait physiquement, psychiquement, socialement, pour le ravaler à sa nullité-là, pour le ramener à son absolue nullité, dans l'humiliation physique et psychique de la répression, la torture, qui multimodal, hein. La torture, c'est pas seulement des coups d'annuaire dans la figure ou l'électricité. La torture, c'est la privation de sommeil, c'est la privation de nourriture, c'est la privation de vêtements dignes, c'est le fait de retirer les ceintures et d'avoir un pantalon qui tombe, hein, d'être réduit, d'être humilié comme ça. Dans cette humiliation-là, permanente, il y a une volonté de ramener l'individu à sa nullité. Parce que l'individu n'a de sens que dans la masse. Hein, pour ces cultures politiques qui réfléchissent qu'en masse, qu'en grand nombre, hein, en grande loi de l'histoire, la grande loi, la masse, la grande temporalité, on pense en millénaires, on pense en millions, voilà, l'individu dans ça, bah, à part l'individu génial évidemment qui est suscité par l'histoire comme le génial Staline ou suscité par la dialectique ou le valeureux Hitler qui est élu par la nature, à part des exceptionnalités comme ça, vous n'avez que des zéros. Voilà. Avons-nous jamais été ? Je réponds oui, avec toute l'éloquence d'un procès-verbal, toute la responsabilité et la rigueur d'un document. Et pourquoi, à la fin du récit Le Gant, Chalamov tient-il à se distinguer des humanistes ? Bah, là, justement, c'est ce qui permet de le faire entrer dans cette lignée des critiques de la culture, dont il ne savait pas grand-chose, mais qui, comme Benjamin, pensait à la culture comme à l'expression de la barbarie. C'est que l'humanisme est précisément porteur d'abord de l'idée de progrès, de l'idée communiste, de toutes les idées qui suggèrent qu'une partie de l'humanité n'entre pas dans l'humanité. Voilà, hein. C'est l'idée humaniste, finalement, dans son expression perverse, qui permet de faire le tri au sein de l'humanité, puisque l'humanisme, finalement, cherche à définir ce qu'est l'humain. Et donc, du coup, on se retrouve à dire que telle catégorie ne va pas entrer dans cette humanité nouvelle qu'on est en train de construire en Union soviétique. Et puis dans d'autres régimes, il y a toujours, l'humanisme laisse toujours cette possibilité d'exclure une partie de l'humanité au nom précisément de l'humanité. On oublie que les rescapés du goulag ont témoigné dans des conditions extrêmement différentes de celles, par exemple, des survivants des camps nazis, parce qu'ils n'étaient pas autorisés à faire leur témoignage, à l'exception de Solzhenitsyn, qui publie une journée d'Ivan Denisovitch dans une revue soviétique, dans Novy Mir, en 62. Les autres rescapés ont produit leur témoignage dans la semi-clandestinité et toujours avec le risque de se voir arrêter une nouvelle fois. Chalamov a été, par exemple, suivi par le KGB jusqu'à la fin de ses jours. Et leur but, ce n'est pas simplement de décrire comment c'était, mais de dire ça a eu lieu, hein, de dire au monde qui refuse toujours, d'ailleurs, à cette époque-là, jusqu'à la bombe de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, il y a quand même un déni des répressions soviétiques qui est très, très durable. Voilà. Et donc ces textes-là sont aussi ont aussi cette dimension testimoniale au sens propre, c'est-à-dire ils se substituent au témoignage à la barre qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire il est celui qui laisse une trace sur la page blanche de la colima, et cette trace consiste à précisément explorer un territoire humain que l'on n'a jamais exploré, à savoir cet état entre la vie et la mort. Il est le premier à vraiment construire une œuvre autour de cette béance. Il s'agit d'un savoir. On a envie d'utiliser la formule de Charlotte Delbault. Il s'agit d'un savoir inutile, puisque Chalamoff lui-même dit que le camp est une école totalement négative de la vie et qu'aucun homme n'aurait jamais dû savoir ce que c'est, voire connaître le camp, ni même savoir ce que c'est. Donc c'est un savoir entièrement négatif. Et ce savoir entièrement négatif, effectivement, permet à Chalamoff, je ne dirais pas une réflexion, mais une méditation sur l'humain et sur l'humain face à la violence extrême. Cette destruction d'individus ramenés à leur nullité s'inscrivent dans une longue tradition dont une des matrices principales est revendiquée d'ailleurs, est l'Inquisition catholique, là où l'hérétique est détruit dans toutes ses dimensions, parce que non seulement il est dans l'erreur, et une erreur qui offense la majesté de Dieu, parce qu'elle offense la majesté de son représentant sur terre, le pape et l'Église, mais il est non seulement dans l'erreur, mais en plus il est dangereux, il est infectieux, hein. C'est la pomme pourrie qui va contaminer tout le panier, et donc cette pomme pourrie doit être éradiquée. Hein. L'Inquisition catholique a théorisé ça, dès le XIIIe siècle, de manière très brutale, et très claire, et vont prospérer sur les écrits et les pratiques de l'Inquisition catholique, toutes les inquisitions temporelles du XXe siècle. Avec Joanne Chapoutot, Andrea Semerano, Anthony Crézégu, Fabio Frosini, Eleonora Latenza, Luba Jorgensen. Merci à Francesco Giazzi et à la Fondation Gramsci à Rome. Merci aussi à Boris Cyrulnik. Lecture de la lettre de Gramsci par Thierry Beauchamp. Voix de traduction, Thierry Beauchamp et Gilles Davidas. Prise de son, Jean-André Giannichini. Mixage, Manuel Couturier. C'était « Penser à l'épreuve de la violence », un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Angélique Thibault. Prisonnière, détenue, libérable, bâillonnée ou censurée, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en Sibérie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.